informé. Chaque mensonge que vous lancez n'est que le reflet de vous-même. Moi je reste droit, j'aime. Ancien tricheur devenu modèle, chaque faux pas attire les fidèles. Il façonne une foule sans cervelle, un culte aveugle, une ritournelle. Je vois vos idoles corrompre les jeunes, chaque phrase qu'ils lâchent devient leur jeûne. Ils gobent tout, répètent sans filtre, le cerveau éteint, le venin s'infiltre. You can twist the words, but the truth remains. Certains viennent cracher sur mon stream, manipulés par un faux régime. Leur héros forgé dans la triche, font de la haine une simple niche. Twitch devient un ramassis de bruit, un théâtre vide sans aucune vie. Mais moi je trace, je garde ma ligne, franc, honnête, rien ne m'aligne. You can twist the words, but the truth remains. Mais je m'élève, chaque attaque nourrit mes rêves. De vos cendres, je fais des flammes. Rider Skill brûle sans vos drames. Vous mentez, mais moi je vis. Chaque vérité s'écrit ici. Rider Skill est plus qu'un nom, c'est la légitimité, la passion.